107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Isabelle qui est la directrice de l'association Golbe Animation. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, merci, ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Eh bien, je m'appelle Isabelle Sichpin et je suis donc la directrice de l'association Golbe Animation qui se trouve au centre culturel de Golbe. Et depuis quand est-ce qu'elle existe cette association ? Alors elle a été créée par un groupe de bénévoles en 1986. Et qu'est-ce que vous faites, vous, au sein de l'association ? Eh bien, pour ma part, je m'occupe de tout ce qui est organisation, coordination des activités hebdomadaires, donc type cours de danse, de chant, de musique, etc. Et toute la partie animation, manifestation, événement. Et j'ai des collègues qui s'occupent de la partie loisirs jeunes, donc accueil périscolaire et extrascolaire. Et combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents au sein de l'association ? Alors, nous sommes à environ 450 adhérents et au niveau des bénévoles, nous en avons une bonne vingtaine. Et qu'est-ce qu'ils font au sein de l'association ? Alors, les bénévoles, ils sont divers, leur intervention est variée. Pour certains, ça va être un accompagnement, un renfort dans l'équipe des loisirs jeunes avec un accompagnement lors des sorties, une aide dans le cadre de l'accueil périscolaire, les soirs après l'école. Pour d'autres, ça va être l'animation d'activités comme la peinture, le modélisme, par exemple. Et puis d'autres encore, ça va être une aide lors de l'organisation de diverses manifestations, comme par exemple ce samedi, nous avons un spectacle de théâtre. Donc là, nous avons des bénévoles qui viennent aider pour accueillir le public à l'entrée. Ça serait quoi comme pièce de théâtre ? C'est une pièce qui est jouée par les gens du coin et ça s'appelle La banane sur le gâteau. Nous allons maintenant parler d'un événement qui se déroulera le jeudi 12 au dimanche 15 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors il s'agit d'une exposition que nous organisons depuis 14 ans maintenant. Donc c'est une exposition d'artistes locaux qui regroupe plus d'une quarantaine d'exposants. Et donc on y trouve toute technique d'art, aussi bien de la sculpture sur bois que avec des métaux comme de la ferraille ou encore de la céramique. Nous allons y trouver également tout ce qui est création textile, des bijoux, du vitrail, enfin voilà, c'est de la dentelle, de la broderie, etc. Donc c'est assez varié. Les exposants donc sont là pendant 4 jours et ils ont à souhait d'expliquer, de présenter ce qu'ils font et de transmettre aussi leur technique. On a bien souvent des scolaires qui viennent aussi sur les temps du jeudi et du vendredi pour découvrir un petit peu tout ce qui s'y passe et puis éventuellement essayer deux trois petites animations que les exposants leur proposent de faire. Et cette année donc nous travaillons sur la thématique du voyage, donc chaque exposant a pour défi de créer à minima une œuvre en lien avec la thématique. Et donc pour un petit peu agrémenter tout ça, nous allons mettre en place un espace de réalité virtuelle pour permettre aux gens de voyager. Et nous allons également avoir une conférence sur l'Asie en vélo qui va être proposé par deux personnes qui ont vécu cette expérience-là et donc qui présentera le dimanche à 15h un reportage et qui témoigneront un petit peu de leur expérience du Tour de l'Asie. Et pour les exposants de cette année, est-ce qu'il y en a des nouveaux ou est-ce que parfois vous prenez des anciens exposants ? Alors on a des anciens et on a des nouveaux. On essaye d'avoir quand même toujours un panel de nouveaux chaque année. Et après on a toujours des anciens qui viennent tantôt une fois sur deux, tantôt tous les ans, ça dépend un petit peu. Et comment est-ce que vous les avez découverts, ces exposants ? Eh bien, pour une partie, par le biais d'autres événements où j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Sinon, après, il y a le bouche à oreille. Et puis après, ben, d'une année sur l'autre, au fur et à mesure que le public vient voir cette exposition-là, j'offre toujours la possibilité à ceux qui le souhaitent de s'inscrire pour la session d'après. Donc après, voilà, on a aussi quelques inscriptions qui se font comme ça. Est-ce que ce sera en entrée libre l'exposition ? Oui, l'entrée est libre. Après, on propose une tombola qui, pour le coup, est à 1 euro. Et les lots à gagner, ce sont des œuvres offertes par les exposants. Est-ce que c'est une exposition tout public ? Oui, c'est vraiment une exposition tout public, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un pour la tombola ou est-ce que c'est exclusivement l'association qui s'occupe de ça ? Alors c'est l'association qui s'occupe de ça justement avec les bénévoles. Comment vous avez mis en place l'exposition ? J'imagine que ça prend pas mal de temps pour faire tout ça. Bah, disons qu'il y a plusieurs réunions préparatoires parce que c'est une exposition qui pour moi est importante d'être organisée avec les exposants. Voilà, c'est un projet collectif. Donc effectivement, il y a quelques réunions préparatoires. J'ai une exposante qui fait l'affiche, donc ça me sert moins de support de communication. Et ensuite, j'ai des bénévoles qui m'aident. Mardi matin, on va tout installer la structure. Je vais avoir des bénévoles qui vont m'aider pour ça. Et puis après, chaque exposant installera son espace pour après l'accueil du public. Est-ce que vous avez des partenaires ou des sponsors pour cet événement ? Par exemple, est-ce que vous avez le soutien de la mairie de Golbey ? Oui, bien sûr, tout à fait. Ils nous mettent à disposition les locaux. Et puis, un personnel aussi pour nous aider sur la partie technique et lumière. Est-ce qu'il y aura des horaires spécifiques pour l'exposition ? Alors les horaires, c'est le jeudi et le samedi de 14h à 18h30 et le vendredi et le dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h. Et pour les animations, est-ce que vous en avez prévu pour les enfants ? Oui, il y aura certains exposants qui vont proposer des petites animations comme création de colliers, photophores, origami, voilà. Est-ce que vous avez prévu d'autres événements après celui-là ? Alors, des événements, on en a tous les mois. Donc, on a de façon régulière d'été dansant un jeudi par mois. Là, en autre événement, nous allons organiser un premier marathon de danse le samedi 28 octobre. Donc là, c'est à la fois une soirée dansante et concours de danse solo et couple pour amateurs. On aura d'autres expositions qui vont être prévues l'année prochaine. Nous avons également des pièces de théâtre en octobre, en janvier, en février, mars, avril. Donc voilà, en plus des sorties et plus d'autres événements ponctuels comme des conférences, etc. sur la santé et le bien-être. Est-ce que vous travaillez parfois avec d'autres associations ? Ça nous arrive de temps en temps. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors oui, effectivement, on a un compte Facebook, Golbey Animation-officiel, où vous pouvez suivre toutes les actualités. On essaye de le maintenir à jour le plus possible. Et puis après, il ne faut pas hésiter à nous contacter au 03 29 31 43 77. Cette interview est maintenant terminée, Isabelle. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreuses personnes iront voir l'exposition qui se déroulera du jeudi 12 au dimanche 15 octobre au Centre culturel de Golbey. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura, bye tout le monde. Merci beaucoup, au revoir.